Lecture d'enfance. C'était en 1988. La réalisatrice Marguerite Gatteau allait à la rencontre d'un acteur ou d'une actrice et l'interrogeait sur son premier souvenir de lecture. Toute une bibliothèque de l'enfance se dessine, transmise de génération en génération. Première lecture, lecture d'enfance. Aujourd'hui, François Chaumette lit « La guerre du feu » de Ronny Aîné. François Chaumette, est-ce que vous vous souvenez des circonstances dans lesquelles vous avez lu « La guerre du feu » ? Je crois me rappeler que, il y a bien longtemps de cela, quand j'étais au lycée, le professeur de français qui s'appelait M. Fontanier, si mes souvenirs sont exacts, nous avait demandé de faire un exposé de lecture en public. Et je ne sais pas pourquoi, pas plus qu'aujourd'hui d'ailleurs, j'avais choisi La guerre du feu de Ronny Aîné. Et j'y avais pris un extrême plaisir, comme j'imagine aujourd'hui beaucoup de nos enfants prennent du plaisir à regarder les bandes dessinées ou les dessins animés à la télévision. Et ce plaisir était fait de rêveries, de conscience plus ou moins vague, d'apprendre quelque chose. J'apprenais un peu les temps de la préhistoire, j'apprenais la zoologie, la botanique. J'étais très fier de ça et j'avais fait un exposé de lecture sur la guerre du feu à l'époque, tout seul au tableau à haute voix, déjà le cabot. Et je dois dire en toute immodestie que cet exposé de lecture avait eu un certain succès et que j'en avais été complimenté par le professeur de français qui, de ce jour-là, me regardait avec un autre œil et oubliait les fautes d'orthographe que je pouvais faire dans mes copies. Alors voilà, c'était ça qui m'avait excité et qui avait suscité en moi cette espèce de vocation de monsieur tout seul sur des planches face à un auditoire. Et comment est-ce qu'il était tombé dans vos mains, ce livre ? Eh bien, je crois bien qu'il était dans un embryon de bibliothèque que ma grand-mère avait rapporté à la maison où elle vivait avec nous, et d'une bibliothèque qui venait de je ne sais pas où. Je crois qu'elle avait été marchande de journaux papetières dans sa jeunesse, enfin avant la guerre de 14. Et que, étant restée veuve à la guerre de 14, elle avait rapporté cet embryon de bibliothèque où il y avait, je crois, des livres de la collection Nelson, parmi lesquels La guerre du feu de Ronny Aîné. Et je piochais de temps en temps dans cette bibliothèque pour lire un peu, mais j'étais pas un lecteur fanatique et acharné. Mais ce livre m'était tombé dans les mains et j'y avais pris un grand plaisir. C'était vraiment la science-fiction de l'époque, et j'avais, comme les enfants, cette espèce d'appétit de science-fiction. J'imagine que, d'ailleurs, ça a été fait, très bien d'ailleurs, par Jean-Jacques Haneau. Il y a eu un très très beau film sur la guerre du feu, et j'y ai retrouvé des tas de choses que je croyais enterrées très loin en moi. Les oulâmes fuyaient dans la nuit épouvantable. Fous de souffrance et de fatigue, tout leur semblait vain devant la calamité suprême. Le feu était mort. Ils l'élevaient dans trois cages depuis l'origine de la horde. Quatre femmes et deux guerriers le nourrissaient nuit et jour. Dans les temps les plus noirs, il recevait la substance qui le fait vivre. À l'abri de la pluie, des tempêtes, de l'inondation, il avait franchi les fleuves et les marécages sans cesser de bleuir au matin et de s'ensanglanter le soir. Sa face puissante éloignait le lion noir et le lion jaune, l'ours des cavernes et l'ours gris, le mammouth, le tigre et le léopard. Ses dents rouges protégeaient l'homme contre le vaste monde. Toute joie habitait près de lui. Il tirait des viandes d'une odeur savoureuse, durcissait la pointe des épieux, faisait éclater la pierre dure. Les membres lui soutiraient une douceur pleine de force.

Il lui commandait des tâches rebutantes, l'éloignait de la tribu, l'exposait à la mort. Nao n'aimait pas le chef, mais il s'exaltait à la vue de Gamla, allongée, flexible et mystérieuse, la chevelure comme un feuillage. Nao la guettait parmi les oserais, derrière les arbres ou dans les replis de la terre, la peau chaude et les mains vibrantes. Il était, selon l'heure, agité de tendresse ou de colère. Quelquefois, il ouvrait les bras pour la saisir lentement et avec douceur. Quelquefois, il songeait à se précipiter sur elle, comme on fait avec les filles des hordes ennemies, à la jeter contre le sol d'un coup de massue. Pourtant, il ne lui voulait aucun mal. S'il l'avait eue pour femme, il l'aurait traitée sans rudesse, n'aimant pas avoir croître sur les visages la crainte qui les rend étrangers. La main rude de Faoum s'abattit sur l'épaule de la fille. Il cria dans son orgueil sauvage « Laquelle est mieux construite parmi les filles des hommes ? Elle peut porter une biche sur son épaule, marcher sans défaillir du soleil du matin au soleil du soir, supporter la faim et la soif, apprêter la peau des bêtes, traverser un lac à la nage. Elle donnera des enfants indestructibles. Si Nao ramène le feu, il viendra la saisir sans donner des haches, des cornes, des coquilles, ni des fourrures. » Alors Agou, fils de l'Auroch, le plus velu des Oulamres, s'avança plein de convoitise. Agou veut conquérir le feu. Il ira avec ses frères guetter les ennemis par-delà le fleuve, et il mourra par la hache, la lance, la dent du tigre, la griffe du lion géant, où il rendra aux Oulamres le feu sans lequel ils sont faibles comme des cerfs ou des saïgas. La fille du marécage appartiendra au fils de l'Auroch. Tout autre homme qui mettra la main sur elle sera détruit. Ces paroles irritèrent Nao. Acceptant violemment la guerre, il clama « Elle appartiendra à celui qui ramènera le feu !»« Agou le ramènera !» Ils se regardaient. Jusqu'à ce jour, il n'avait existé entre eux aucun sujet de lutte. Conscients de leur force mutuelle, sans goût commun ni rivalité immédiate, ils ne se rencontraient point, ils ne chassaient pas ensemble. Le discours de Faoum avait créé la haine. Vous avez désiré lire le passage sur les mammouths, quand Nao arrive chez les mammouths et vit avec eux, s'acclimate, passe un pacte avec le chef des mammouths. C'est votre passage préféré, m'avez-vous dit. C'est un passage que j'aime beaucoup parce que dans ce livre, qui est un livre d'horreur, de violence, de combat, à toutes les pages, on attaque soit une bête, soit un homme d'une autre horde, etc. Il y a cette espèce de plage de tendresse, il y a deux plages de tendresse dans le livre. C'est l'attachement de Nao pour les mammouths. Il faut dire qu'avant de rencontrer la horde des mammouths, il a rencontré le chef à qui il a donné un jour, dans un geste d'amitié, il a donné à manger. Et à partir de là, l'amitié s'est créée entre le chef des mammouths et Nao. Et c'est pour ça que plus tard, quand il sera dans les ennuis avec les dévoreurs d'hommes ou avec l'examen, le chef des mammouths et sa horde protégeront Nao Namegav. Et donc cette plage de tendresse où tout d'un coup, cet homme réagit à l'animalité avec des sentiments d'homme contemporain. Et puis il y a la tendresse aussi pour Gamla qui deviendra son épouse à la fin, puisqu'il grame, je révèle la fin, c'est lui qui ramènera le feu et non pas Agou le velu, et il épousera Gamla. Et c'est très beau, la dernière phrase est très belle dans le livre. Il dit, Nao ayant abaissé sa main sur Gamla, la releva sans rudesse et l'étang sans nombre s'étendait devant eux. Alors on peut envisager qu'on est tous les fils de Gamla et de Nao. Les fils ou les filles de Gamla et de Nao. Voilà pourquoi j'ai choisi les mammouths, pourquoi j'ai aimé les mammouths. Pendant 10 jours, les mammouths descendirent vers les terres basses en longeant la rive du fleuve. Leur vie était belle. Parfaitement adaptée à leur pâturage, la force emplissait leurs flancs lourds. Une nourriture abondante s'offrait à tous les détours du fleuve, dans les limons palustres, sur l'humus des plaines, parmi les vieilles futaies vénérables. Aucune bête ne troublait leur voie. Souverains de l'étendue, maîtres de leurs exodes et de leur repos, les ancêtres avaient assuré leur victoire, parfait leur instinct, assoupli leurs coutumes sociales, réglé leurs marches, leurs tactiques, leurs campements et leur hiérarchie, pourvu à la défense des faibles et à l'entente des puissants. La structure de leur cerveau était délicate, leur sens plein de subtilité. Ils avaient une vision précise et non la prunelle vague des chevaux ou des urus, l'odorat fin, le tact sûr, l'ouïe vive. Énormes mais flexibles, pesants mais agiles, ils exploraient les eaux et la terre, palpaient les obstacles, flairaient, cueillaient, déracinaient, pétrissaient avec cette trompe aux fines nervures qui s'enroulait comme un serpent, étreignait comme un ours, travaillait comme une main d'homme. Leur défense fouissait le sol. D'un coup de leurs pieds circulaires, ils écrasaient le lion. Rien ne limitait la victoire de leur race. Le temps leur appartenait comme l'étendue. Qui aurait pu troubler leur repos? Qui les empêcherait de se perpétuer par des générations aussi nombreuses que celles dont ils étaient la descendance? Ainsi rêvait Nao tandis qu'il accompagnait le peuple des colosses. Il écoutait avec bonheur la terre craquer à leur marche. Il considérait orgueilleusement leurs longues files pacifiques, échelonnées devant le fleuve ou sous les ramures d'automne. Toutes les bêtes s'écartaient à leur approche et les oiseaux, pour les voir, descendaient du ciel ou s'élevaient parmi les roseaux. Ce furent des jours si doux de sécurité et d'abondance que, sans le souvenir de Gamla, Nao n'en aurait pas désiré la fin. Car maintenant qu'il connaissait les mammouths, il les trouvait moins durs, moins incertains, plus équitables que les hommes. Leur chef n'était pas Tel Faoum, redoutable à ses amis même. Il conduisait le troupeau sans menace et sans perfidie. Il n'y avait pas un mammouth qui eût l'humeur féroce d'Agou et de ses frères. Dès l'aube, lorsque le fleuve grisonnait devant l'Orient, les mammouths se levaient sur la terre humide. Le feu craquait, gorgé de pins ou de sycomores, de peupliers ou de tilleuls. Et dans la profondeur sylvestre, sur la rive brumeuse, les bêtes savaient que la vie du monde avait reparu. Elles s'élargissaient dans les nuées. Elles y inscrivaient le symbole de tout ce qu'elles faisaient jaillir du néant des ténèbres, où sans elles, les porphyres, les quartz, les gneiss, les micas, les minerais, les gemmes, les marbres dormiraient, incolores et glaciales. Le symbole de tout ce qu'elles créaient de formes et de couleurs, embrassant la mer tumultueuse et en la volatilisant dans l'espace, en s'unissant à l'eau pour tisser les plantes et pour pétrir la chair des bêtes. Quand elle emplissait le ciel lourd d'automne, les mammouths barrissaient en levant leurs trompes et goûtaient cette jeunesse qui est dans le matin et qui fait oublier le soir. Ils se poursuivaient aux sinuosités des havres et jusqu'à la pointe des promontoires. Ils s'assemblaient en groupes, émus du plaisir simple et profond de se sentir les mêmes structures, les mêmes instincts, les mêmes gestes. Puis, sans hâte et sans peine, il déterrait les racines, arrachait les tiges fraîches, paissait l'herbe, croquait les châtaignes et les glands, dégustait le mousseron, le bolet, la morille, la chanterelle et la truffe. Ils aimaient descendre tous ensemble à l'abreuvoir. Alors, leur peuple paraissait plus nombreux, leur masse plus impressionnante. Nao gravissait quelques tertres ou escaladait une roche pour les voir rouler vers la rive. Leur dos se succédaient comme les vagues d'une crue. Leurs pieds larges trouaient l'argile. Leurs oreilles semblaient des chauves-souris géantes, toujours prêtes à s'envoler. Ils agitaient leurs trompes ainsi que des troncs de cytise couverts d'une mousse boueuse. Et les défenses, par centaines, allongeaient leurs épieux lisses, étincelants et courbes. Si vous avez choisi le passage sur les mammouths, c'est pas parce que vous aimiez particulièrement les grosses bêtes. Oh, j'aime bien les grosses bêtes aussi. Non, non, mais c'était la tendresse qu'il y a là-dedans qui m'avait plu. Alors que je vous dis, partout ailleurs, on se tape dessus avec entrain. C'est à qui sera le plus rusé, le plus fort, le plus rapide, le plus méchant. On achève les ennemis, sauf Nao. Nao a déjà une espèce de sentiment de respect de l'ennemi à terre. C'est ça qui me plaît dans le personnage de Nao. Qui est un vrai héros pour moi. Et vous ne pensez pas que c'est un petit peu difficile pour un petit garçon quand même? Il y a des mots très, très compliqués. Comment vous avez lu ce livre? Avec un dictionnaire à côté ou... Ah non, je crois que je me suis laissé emporter par le lyrisme du texte et par la poésie des mots. Et il y a encore maintenant des mots que je ne comprends pas, mais ça m'est complètement égal parce que ils évoquent en moi des images que je peux me former. Et au fond, je trouve que c'est l'avantage des gens de ma génération, c'est qu'on leur balançait beaucoup moins d'images et on développait beaucoup l'imagination. On arrivait à se figurer des mégacéphores, par exemple. Et d'ailleurs, je les ai à peu près retrouvés quand j'ai vu les grottes de Lascaux. C'était sûrement pas des mégacéphores, mais enfin, les imaginations que j'avais développées étant enfant, quand j'ai eu 25 ou 26 ans et que je suis allé à Lascaux pour la première fois, Lascaux en Périgord, ne pas oublier le Périgord, eh bien, toute mon imagination d'enfant, c'était à peu près représenté ce que j'ai vu à Lascaux et dans les environs. Le soir revenait, de nouveau les nuages résumaient la splendeur des choses, la nuit carnivore s'abattait comme un brouillard violâtre, et le feu se mettait à croître. Les oulamres lui servaient une nourriture copieuse. Il dévorait goulûment le bois de pin et les herbes sèches. Il haletait en rongeant le saule. Son haleine devenait âcre en traversant les tiges et les feuilles humides. À mesure qu'il grandissait, son corps devenait plus clair, sa voix plus ronflante. Il séchait la terre froide et repoussait les ténèbres jusqu'à 1000 coudées. Tandis qu'il ajoutait aux viandes, aux châtaignes et aux racines une saveur pénétrante, le grand mammouth venait le regarder. Il s'y accoutumait. Il prenait plaisir à sa caresse et à son éclat. Il fixait sur lui des yeux pensifs et considérait les gestes de Nao, de Nam ou de Gav, jetant des rameaux, des branches ou des gramènes dans ses gueules écarlates. Peut-être entrevoyait-il vaguement que la race des mammouths serait plus forte encore si elle pouvait s'en servir. Un soir, il vint plus près que de coutume, avançant la trompe et flairant les souffles qui s'élevaient de cette bête aux formes changeantes. Il s'arrêta, si immobile qu'il semblait un roc de schiste. Puis, saisissant une grosse branche, il l'atteint un moment suspendue et la jeta au milieu des flammes. Elle fit jaillir un vol d'étincelles, craqua, siffla, fuma et s'enflamma. Alors, secouant la tête avec un air de contentement, il vint poser sa trompe sur l'épaule de Nao qui n'avait pas fait un geste. Saisi de stupeur et d'admiration, il crut que les mammouths savaient entretenir le feu comme les hommes, et il se demanda pourquoi ils passaient leur nuit dans le froid et dans l'humidité. Depuis ce soir, le grand mammouth se rapprocha encore des nomades. Il aidait à ramasser la provision de bois. Il alimentait le feu avec sagacité et prudence. Il rêvait dans la clarté cuivreuse, pourpre ou cramoisie, selon les phases de la flamme. Des notions neuves grossissaient dans son énorme crâne qui établissait un lien mental entre lui et les oulamres. Il comprenait plusieurs paroles et beaucoup de gestes. Il savait lui-même se faire comprendre. En ce temps, les propos qu'échangeaient les hommes ne dépassaient pas des actions immédiates et très prochaines. La prévoyance des mammouths et leur connaissance des choses avaient atteint à leur apogée. Ainsi, leur chef réglait quelque temps à l'avance la mise en marche de la peuplade lorsqu'on entrait dans des territoires suspects ou énigmatiques. Il se faisait précéder d'éclaireurs. Son expérience, guidée par une mémoire tenace, nourrie par la réflexion, avait de la variété et de l'envergure. Avec moins de précision que Nao, il n'en avait pas moins certaines conceptions sur les eaux, les plantes et les bêtes. Il entrevoyait la succession des périodes mornes et des périodes fertiles de l'année. Il discernait grossièrement le cours du soleil et ne le confondait pas avec celui de la lune. S'il avait parlé la langue des hommes, il n'eût guère paru plus fruste qu'Agou et ses frères. Il aurait même exprimé certaines choses que le vieux Goun lui-même ne concevait point. Car si les hommes, depuis des milliers de siècles, accroissaient et affinaient leur entendement par tout ce qu'avaient palpé et transformé leurs mains, les mammouths développaient, à l'aide de leur trompe ingénieuse, maintes notions qui demeuraient étrangères aux hommes. Mais, réduit à quelques intonations et à quelques signes, le langage des colosses ne pouvait traduire tout ce qu'ils savaient. Les plus subtils restaient murés dans une solitude cérébrale. Aucune réflexion multiple ne pouvait se combiner avec une autre ou se répandre par ce fleuve de la tradition orale qui, chez les hommes, emportait, rassemblait, variait intarissablement l'expérience, l'invention et les images. Néanmoins, la distance n'était pas encore infranchissable. Si la tradition des mammouths se bornait à l'imitation d'actes et de gestes millénaires, à la transmission de ruses et de tactiques, à une éducation simple sur l'usage des objets ou les devoirs envers la communauté et les individus, ils avaient l'avantage d'un instinct social plus ancien que celui des hommes et d'une longévité qui favorisait l'expérience individuelle. Car l'homme n'était pas construit pour vivre autant de saisons qu'un mammouth. Et il était beaucoup plus sujet à périr accidentellement. Il ne pouvait pas compter sur une protection très efficace. La haine de ses semblables le menaçait non seulement au dehors, mais au sein de la horde même. Aussi existait-il moins d'hommes que de mammouths ayant reçu de la vie une leçon à la fois durable et nombreuse. Et Nao percevait chez son colossal compagnon, dont une longue existence laissait intacte la vigueur, la souplesse et la mémoire, dont l'œil, l'ouïe et l'odorat gardaient leur jeunesse, une intelligence qu'il jugeait supérieure à celle du vieux Goun, dont les souvenirs étaient vastes, mais dont les jointures devenaient raides, les mouvements lents et indécis, l'ouïe dure et la vue trouble. Cependant, les mammouths continuaient à descendre le cours du grand fleuve, et déjà leur route s'éloignait de celle qui devait ramener les Oulamres vers la Horde. Car le fleuve, qui d'abord suivait la route du nord, s'infléchissait à l'orient et allait bientôt remonter vers le sud. Nao s'inquiétait. À moins que le troupeau ne consentît à abandonner le voisinage des rives, il allait falloir le quitter. Et c'était une très douce habitude que de vivre parmi ses compagnons énormes et bénévoles. Après tant de sécurité, les solitudes semblaient plus féroces. Là-bas, sous l'automne pluvieux, dans la forêt des fauves, sur l'immense prairie pourrissante, ce serait jour et nuit l'embûche et le guet, la brutalité de l'élément et la perfidie du félin. Nao, un matin, s'arrêta devant le chef des mammouths et lui dit « Le fils du léopard a fait alliance avec la horde des mammouths. Son cœur est content avec eux. Il les suivrait pendant les saisons sans nombre, mais il doit revoir Gamla au bord du grand marécage. Sa route est au nord et vers l'occident. Pourquoi les mammouths ne quitteraient-ils pas les bords du fleuve ?» Il s'était appuyé contre une des défenses du mammouth. La bête, pressentant son trouble et la gravité de ses desseins, l'écoutait, immobile. Puis elle balança lentement sa tête pesante. Elle se remit en route pour guider le troupeau qui continuait à suivre la rive. Nao pensa que c'était la réponse du colosse. Il se dit « Les mammouths ont besoin des eaux. Les Oulamres aussi préféreraient aller avec le fleuve. » La nécessité était devant lui. Il poussa un long soupir et appela ses compagnons. Puis, ayant vu disparaître la fin du troupeau, il monta sur un tertre. Il contemplait au loin le chef qui l'avait accueilli et sauvé d'exame. Sa poitrine était grosse. La douleur et la crainte l'habitaient. Et dirigeant les yeux au nord-occident sur la steppe et la brousse d'automne, il sentit sa faiblesse d'homme, son cœur s'éleva, plein de tendresse, vers les mammouths et vers leur force. Première lecture. Lecture d'enfance. La guerre du feu de Ronnie Aîné par François Chaumette. Pierre Mine, Annick Brien, Sylvie Migaud, Marguerite Gâteau. Cette émission était remise en onde par Laetitia Coya. Vous pouvez la réécouter, la télécharger sur franceculture.fr à la page des fictions.